et la famille maternelle de Mireille, Madeleine Bello et la mère, Louise Potier, la grand-mère, et Lucie Potier, l'arrière-grand-mère de Mireille. Qui est Édouard Potier? C'est le père de Léon Potier, le grand-père de Madeleine Potier et l'arrière-grand-père de Mireille. Madeleine Bello est la mère, Louise Potier la grand-mère et Lucie Potier l'arrière-grand-mère de Mireille. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère. Maintenant, qui est Édouard Potier? C'est le père de Léon Potier, le grand-père de Madeleine et l'arrière-grand-père de Mireille. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père. Qui est Louise Potier pour Mireille? C'est sa grand-mère. Et Édouard? C'est son arrière-grand-père. Cécile et Marie-Laure sont les sœurs de Mireille. Mais est-ce que Sophie Potier est la sœur de Mireille? Non, c'est sa cousine. Et Philippe Potier, le frère de Sophie, est son cousin. Henri Potier est son oncle et Juliette sa tante. Cécile et Marie-Laure sont les sœurs de Mireille. Les sœurs de Mireille. Cécile et Marie-Laure sont les sœurs de Mireille. Qui sont Cécile et Marie-Laure? Ce sont les sœurs de Mireille. Sophie Potier et sa cousine. Sa cousine. Et Philippe Potier, frère de Sophie, et son cousin. Philippe et son cousin. Qui est Sophie? C'est la cousine de Mireille. Qui est Philippe? C'est le cousin de Mireille. Henri Potier est son oncle et Juliette sa tante. Henri Potier est son oncle et Juliette sa tante. Qui sont Henri et Juliette? Son oncle et sa tante. Mademoiselle, vous pouvez nous présenter votre famille? Ma famille? Oui. Ça ne vous ennuie pas? Non. Oui, si vous voulez. Presque tout le monde est là. Commençons par mes parents. Papa, maman. Voilà mon père et ma mère. Voilà ma sœur Cécile et son mari Jean-Denis. Tout le monde dit qu'elle me ressemble. Marie-Laure? Mais Marie-Laure est occupée. Oh, attends, je suis occupée. Viens. Marie-Laure, je te dis de venir tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis bonjour. Voilà, c'est ma petite sœur Marie-Laure. Presque tout le monde est là. Presque tout le monde est là. Ça, c'est ma sœur Cécile et son mari Jean-Denis. Ma sœur Cécile. Ma sœur Cécile. Et son mari Jean-Denis. Et son mari Jean-Denis. Attends, je suis occupé. Attends, je suis occupé. Viens, je te dis de venir, tout de suite. Je te dis de venir. Tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?